ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui l'histoire, le président américain Theodore Roosevelt. Tant que je serai président, je veux que l'ouvrier sente qu'il peut avoir accès à moi, tout comme le capitaliste. Et que les portes de la Maison Blanche s'ouvrent aussi facilement pour un salarié que pour le président d'une grande corporation. Aussi facilement, mais pas plus facilement. Comment définir la présidence de Theodore Roosevelt? Comment surtout définir sa pensée politique et économique? Fils de banquier, défenseur du capitalisme, Theodore Roosevelt n'en sera pas moins le président de la réglementation et de la mise au pas de la grande industrie et du secteur financier. Roosevelt n'hésitera pas, par exemple, à s'attaquer aux grands trusts, à réglementer les tarifs des compagnies de chemin de fer et à donner aux États-Unis une première législation digne de ce nom en matière de réglementation alimentaire. Où donc placer Theodore Roosevelt au panthéon des présidents américains? There were people who thought massive inequality and exploitation of people was just the price you pay for progress. Pour certains, l'exploitation des uns et les inégalités généralisées étaient le prix du progrès. Theodore Roosevelt disagreed. Theodore Roosevelt n'était pas d'accord. He was the Republican son of a wealthy family. Fils d'une riche famille républicaine, il savait reconnaître les bienfaits de la croissance économique et de la création d'emplois attribuables aux grands industriels. Il croyait au libre marché et savait qu'il était le plus formidable instrument de progrès économique qui soit, et qu'il assurait un degré de prospérité et un niveau de vie incomparable dans le monde. Mais Roosevelt savait aussi que le libre marché ne signifie pas que l'on puisse librement prendre tout ce que l'on veut à qui l'on veut. That the free market has never been a free license to take whatever you can from whomever you can. Le président Barack Obama à Osawatomie au Kansas le 6 décembre 2011, le président Obama qui plaide ce jour-là pour une fiscalité plus équitable entre riches et pauvres en s'inspirant du célèbre discours sur le nouveau nationalisme prononcé par Theodore Roosevelt dans la même ville du Kansas en 1910. Pour nous raconter la présidence de Theodore Roosevelt, l'historien et collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire, André Champagne. André, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Par rapport à ce que vient de nous dire, de ce qu'on vient d'entendre de Barack Obama, où le situer Roosevelt dans ce panthéon des présidents américains, qu'est-ce qu'on retient encore aujourd'hui de lui? Progressiste. Il est identifié au mouvement progressiste. Et quand on regarde les classements des présidents américains faits au fil des décennies par des historiens, que les Américains appellent les historiens présidentiels, règle générale, il est toujours dans les trois premiers. Quand même. Sinon dans les cinq premiers. Pourquoi? Parce qu'il a incarné justement ce côté progressiste. Et en même temps, c'est le président de la politique étrangère expansionniste, ouais, qui avait comme slogan « Parlez doucement, mais brandissez un gros bâton. Ouais. » Donc « Speak softly, but carry a big stick. » Donc progressiste sur le plan des politiques intérieures, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui un faucon. Absolument. Sur le plan de la politique étrangère. Amoureux de la guerre. Amoureux de la guerre belliqueux. Pourquoi? Parce que pour lui, l'homme, la virilité se définissait par le côté belliqueux, par le côté guerrier. Huh. Et selon lui, le peuple américain, s'il voulait garder son élan, son dynamisme, se devait de participer à des guerres. Ouais. D'ailleurs, quand il a parlé de la guerre de 1898, il l'a appelée la splendide petite guerre, the splendid little war. À laquelle il va participer, on y vient dans un instant. Comme volontaire. Il a un côté batailleur. Il est lui-même, d'ailleurs, parlons de qui il est, Theodore Roosevelt, mais l'image que j'ai, quand vous me parlez de ce va-t-en-guerre, c'est le batailleur qui fait de la boxe lui-même. C'est un fils de patricien, descendance hollandaise. Et les ancêtres sont arrivés à New Amsterdam en 1644. Et c'est un enfant qui souffrait de l'asthme et qui était vraiment maigrichon, qui avait un problème de vue. Et son père, pour tremper son caractère, pour essayer de le guérir de l'asthme, a tout simplement l'incité à pratiquer le sport et plus particulièrement la boxe. Et il a développé il a une passion pour la boxe. D'ailleurs, il va même boxer jusque dans la quarantaine avancée. Il va même faire des combats avec des lutteurs sumo japonais. Mais c'est un homme... À la Maison Blanche, il y aura des combats de boxe. Oui, il y aura des combats de boxe à la Maison Blanche parce que dans un des sous-sols de la Maison Blanche, il y aura un ring de boxe. Et pour lui, c'était un sport extrêmement important. C'est un cavalier. C'est un homme qui aimait vraiment les grands espaces, qui aimait la nature, qui va, suite au décès, le même jour en 1880, le 12 février 1884, le même jour, son épouse et sa mère meurent le même jour. Il déprime complètement. Alors, il va aller se ressourcer dans ce qu'on appelle les Badlands du Dakota. Il va passer 2 années avec les Cowboys, les Ranchers, et il va se ressourcer de cette façon-là. Et c'est un homme qui considérait, lui, qu'en ce début de 20e siècle, les États-Unis, étant donné que la société devenait une société de plus en plus urbaine, que les Américains, en quittant les campagnes, en quittant les fermes, se ramollissaient. Donc, il faisait l'apologie du sport et de l'activité physique. Puis, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais cet amour qu'il a de la nature, ça va transparaître dans ses politiques. Il sera important, entre autres, dans la création de parcs nationaux. Mais revenons au jeune Roosevelt, qui veut, bien que ce soit pas très bien vu, c'est un fils de banquier, faire de la politique. Ses amis dénigrent plutôt les politiciens, mais lui veut faire de la politique. Il commence, en fait, il va être sénateur, mais il va s'investir de cette espèce de mission de lutter contre la corruption. Et ça vient très, très tôt, quand il est chef de police de New York, pour la fonction publique aussi. Oui. C'est ses premières armes. Ses premières armes. Donc, il est diplômé de Harvard, il a fait le droit, puis il a fait aussi les sciences naturelles. Dans son milieu, évidemment, on dédaignait la politique parce qu'on disait que la politique c'était menée par des gens modestes, par des gens souvent malhonnêtes, crapuleux, qui se mettaient au service des pouvoirs d'argent, mais qui étaient prêts à offrir leurs services pour qui voulait bien payer. Alors, il y avait un certain mépris de ce qu'on appelle l'Amérique d'en haut, la upper class américaine et les politiciens. Et lui s'est dit, non, moi, je veux changer les choses. Je veux appartenir à la classe dirigeante. La seule façon de changer les choses, c'est d'œuvrer au niveau politique. Alors, il va faire de la politique au niveau de l'État de New York. Il va briguer la mairie de la ville de New York, il échouera. Il va devenir commissaire, c'est le New York Board of Police Commissioner. Et pour remettre de l'ordre dans le corps policier de New York, il va même patrouiller la nuit pour voir si les policiers sont vraiment à leur poste. Et il va dénoncer le fait que beaucoup de policiers sont corrompus puis sont à coquiner avec le crime organisé. Donc, il va se donner une image de politicien droit, intègre, et il va se faire remarquer de cette façon-là. Il y aura, parce qu'avant de devenir président, entre cette période où il s'attaque à la corruption et son retour en politique aux États-Unis, il y a une petite parenthèse, on revient au guerrier, on le soulignait rapidement, il va donc partir à Cuba, faire la guerre aux Espagnols. Parce que 2 ans auparavant, il a été nommé assistant secrétaire à la marine. Il était fasciné par la guerre navale. Il avait lu le livre de l'amiral Mahan, théoricien de la guerre navale, qui avait dit que les grandes puissances ont absolument besoin d'une grande flotte de guerre. Donc, il est assistant secrétaire à la marine. Mais en 1898, éclate la guerre entre les États-Unis et l'Espagne. Et lui, il décide tout simplement de se porter volontaire et de rassembler un régiment de 1000 soldats qu'on va appeler les Rough Riders. Au départ, ça devait être des cavaliers, sauf qu'on n'a pas pu amener les chevaux à Cuba. Il n'y a que son cheval à lui qui a été amené. Et il s'est distingué à la bataille de la côte de San Juan Hill. Il a attaqué une position défendue par les Espagnols, position en hauteur. Il s'est mis à l'avant de son régiment. Son cheval a été abattu. Malgré ça, il a continué à foncer vers les hauteurs des Espagnols. Il s'est comporté de façon héroïque. Mais attention, Roosevelt avait le sens du spectacle. Roosevelt se faisait toujours accompagner par des photographes. Et Roosevelt aimait justement, cultivait cette image de guerrier, d'homme viril, comme un de ses essais de Strenuous Life, donc la vie à la dure. Et c'est clair qu'il avait vu la guerre contre l'Espagne comme une occasion de se faire connaître sur la scène nationale. Pourquoi? Parce qu'il était connu à New York, mais il s'est dit, en participant à cette guerre-là, en démontrant mon courage, oui, je risque de me faire tuer. Il aurait pu se faire tuer. Oui. Mais là-dessus, il ressemble un peu à Churchill, parce que Churchill aussi avait combattu et s'était exposé au danger. Mais toujours est-il qu'il devient un héros national, il revient, et là, soudainement, il peut envisager une carrière d'envergure nationale. Et ça va aller très vite. Il va devenir président, là, c'est en l'espace de quoi, 1 an, 2 ans? C'est-à-dire qu'il se fait élire gouverneur de l'État de New York à son retour. il est réformiste, donc il déplaît considérablement au pouvoir d'argent, surtout aux banquiers, aux financiers et aux industriels qui l'ont financé sa campagne électorale. Et là, il dit, comment ça se fait? On a financé sa campagne électorale, il se retourne contre nous. Alors là, pour le neutraliser, on lui fait miroiter la vice-présidence avec le président McKinley, dont le McKinley avait été élu en 1896. Son vice-président meurt. Alors on lui dit, tu pourrais être le vice-président de McKinley. De cette façon-là, on croit que McKinley va être élu en 1900. Et le vice-président à l'époque avait, comme aujourd'hui, à peu près pas aucun pouvoir. Donc McKinley est réélu en 1900. Il devient vice-président. Mais le 14 septembre 1901, McKinley meurt. Il s'était fait tirer 7 jours auparavant. Et là, soudainement, il se retrouve président. Zut pour les banquiers. Et là, évidemment, c'est le pire scénario pour les pouvoirs d'argent. Ouais. Pour les fameux 1%. Exactement. Et d'autant que ce sera vraiment l'homme qui va s'attaquer à cette grande entreprise, au grand trust. Un mot d'abord pour comprendre d'où il vient sur le plan économique. Comment définir sa pensée économique, André Champagne? Il y a quelque chose de contradictoire. C'est vraiment, il vient d'une grande famille très riche, fils de banquier, mais c'est vraiment l'homme de la régulation du capitalisme. Exactement. Même s'il y croit au capitalisme. Oui, il croit, sauf qu'il est parfaitement conscient des inégalités. Il y a une anecdote que je vais vous raconter qui explique le personnage. En 1890, il y a un photographe de presse qui s'appelle Jacob Riis, d'origine scandinave, qui publie un livre « Comment l'autre moitié vit ». Il a photographié les quartiers les plus pauvres de New York. Ce livre-là a eu un succès retentissant puis il a ébranlé la conscience américaine. Roosevelt contacte Riis et lui dit « Peux-tu me faire visiter ces quartiers-là ?» Alors, il va visiter ces quartiers pauvres-là. Et c'est là qu'il réalise, lui, le patricien, la misère qui règne dans les quartiers ouvriers de New York. Et ça ébranle sa conscience sociale. Conséquemment, c'est là que c'est ce qui déclenche sa conscience progressiste. Puis écoutez ceci, ça vous donne une idée de sa vision des choses. La stupidité aveugle des très riches, leur rapacité et leur arrogance, et la corruption régnant dans les affaires et dans la politique, tendent à provoquer dans l'esprit du peuple un état très malsain d'énervement et de colère qui se manifeste par le développement de la propagande socialiste. Pour lui, l'alternative était très simple. On laissait aller les inégalités, on laissait aller l'hyperconcentration de la richesse. C'était la fin du capitalisme. C'était la fin du capitalisme. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une révolution sociale. Ouais. Craignant la révolution sociale, il se dit qu'il faut mieux partager le gâteau. Il faut redistribuer les richesses. Et encadrer ces gens-là, le grand capital. Encadrer ces gens-là, justement, en démantelant les trusts qui contrôlaient toutes les activités industrielles et manufacturières et qui fixaient les prix en ne tenant pas compte du pouvoir d'achat des travailleurs. Et si l'autre Roosevelt qui suivra aura son cousin, son cousin, c'est un peu Théodore aura le Square Deal. Et le Square Deal, c'est ça. C'est tout simplement la redistribution par la réglementation. Et lui, il s'est dit, ce qu'il fait comprendre aux grands capitalistes, c'est que vous devez donner un pouvoir d'achat aux ouvriers. Et c'est tellement vrai, ça, que ça va probablement inciter. Quand Henry Ford va lancer sa Ford Model T en 1904, il augmente le salaire de ses travailleurs de 1 $ à 5 $ par jour pour que ses travailleurs deviennent des consommateurs. Mais le message de Roosevelt, c'est ça. C'est de simplement redistribuer la richesse pour stimuler la croissance, mais en même temps éviter la révolte ouvrière qu'il voit venir. Et puis encore une fois, il croit au libre marché, mais un libre marché encadré, qui est encadré de règlements, de réglementations. Il va tout de suite, on va le reconnaître comme le président qui va se faire la guerre au grand trust. Il faut dire qu'à l'époque, André, il n'y a à peu près pas de loi, là. Il n'y a aucune réglementation. C'est le capitalisme sauvage à l'état pur. Et c'est tellement vrai qu'il n'y avait aucune réglementation pour l'industrie pharmaceutique, aucune réglementation pour l'industrie de la viande, aucune réglementation pour le transport. Les prix de transport, que ce soit pour des produits agricoles ou les produits industriels, étaient fixés par des grandes compagnies ferroviaires qui favorisaient justement l'industrie de la manufacture, mais qui faisaient payer la note aux petits fermiers, aux simples ouvriers, à l'ensemble des consommateurs. Là, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, on pouvait mettre en vente à peu près n'importe quelle pilule, n'importe quel médicament, peu importe les conséquences. Et lui va faire le ménage là-dedans. Il va faire le ménage là-dedans. Sur les tarifs des chemins de fer, il va imposer des tarifs. Exactement. Il va créer une espèce de Interstate Commission, une commission inter-État qui va réglementer justement la circulation puis qui va réglementer les prix, que ce soit du transport des passagers ou le transport du matériel. Cette semaine d'enquête dans les abattoirs. avec à la main un seau, tout simplement, et l'air affairé, Upton Sinclair circule partout et prend des notes. Son roman, parfaitement documenté, sort en 1906, dénonciation véhémente de l'exploitation des ouvriers par les trusts. La jungle est un succès considérable. Le président Theodore Roosevelt convoque Upton Sinclair et les lois sont changées. Olivier Barrault, en 2003, à l'émission Un livre, un jour, diffusée à France 3, quand est publié André Champagne, ce roman d'Upton Sinclair, La jungle, c'est vraiment la commotion, parce que c'est la situation dans les abattoirs, les grands abattoirs de Chicago, mais ailleurs, oui. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, non seulement, ce sont majoritairement des travailleurs immigrants, dans le cas de Chicago, ce sont surtout des travailleurs polonais. Non seulement les conditions de travail sont lamentables, mais ce qui est lamentable, c'est le non-respect de consignes alimentaires, c'est-à-dire qu'on met en boîte à peu près n'importe quoi. Il y a aucune mesure hygiénique pour déterminer si la viande est comestible. On vend de la viande en boîte sans que les gens ne savent d'où elle provient, sans savoir exactement quelle partie du bœuf on mange. Il y a aucune réglementation et c'est une période où il y a des empoisonnements alimentaires à répétition, couramment. Et c'est ce qui va amener justement Upton Sinclair à le faire, ce reportage. Et Upton Sinclair va tout simplement lancer un mouvement qui sera repris par d'autres journalistes d'investigation qui vont justement se mettre à faire des reportages, mais vraiment des reportages souvent qui vont dénoncer justement à quel point justement les grands capitaines d'industrie produisent à peu près n'importe quoi, sans tenir compte de la qualité du produit vendu. Et les deux exemples les plus flagrants, c'est l'industrie pharmaceutique et l'industrie de la viande. Et Roosevelt va réagir. Et Roosevelt va s'allier avec ces journalistes-là. Il va tout simplement les inciter à aller faire des reportages, dénoncer. De cette façon-là, moi, j'ai l'opinion publique de mon côté. Ouais. Et le Congrès est obligé d'entériner mes projets de loi parce que sans l'appui de la population, sans l'appui de l'opinion publique qui réagit à ces reportages-là, le Congrès aurait probablement rejeté une partie de ces projets de législation. Pourquoi? Parce que les républicains, déjà, à cette époque-là, s'associaient au pouvoir d'argent. Oui. Theodore Roosevelt voit aussi dans l'État ce grand arbitre qui doit intervenir, bon, dans les secteurs industriels, mais aussi dans les relations de travail. Oui. Il va être important sur le plan des relations de travail. Parce que pour lui, le gouvernement doit devenir tout simplement un régulateur. Le gouvernement doit vraiment défendre l'ensemble de la population américaine contre ses capitaliste rapace, c'est l'expression qu'il emploie pour redistribuer la richesse. Écoutez, il dit ceci le 2 décembre 1902 dans un discours au message au Congrès. Notre but n'est pas de nous débarrasser des grandes sociétés. Au contraire, ces concentrations sont la conséquence inévitable de l'industrialisation moderne. Et tout effort pour les détruire serait vain, à moins de l'accomplir par des moyens qui feraient le plus grand mal au corps politique tout entier. Nous voulons imposer des limites à la malhonnêteté, mais non à la richesse. Ouais. C'est parce que c'est, pour lui, de fermer les yeux sur des produits qui ne sont pas conformes aux attentes des consommateurs, c'est néfaste. Ouais. Son amour de la nature, un petit mot là-dessus, ça donnera des politiques aussi très progressistes. Extraordinaire, oui, parce que ce qu'il constate, comme c'est un amour, c'est un amant des grands espaces, il a constaté une chose, lui, c'est qu'en 1900, la moitié des forêts qui recouvraient le territoire américain au moment où les premiers Européens sont arrivés avaient été rasées par l'exploitation forestière. Et il s'apercevait également que les compagnies minières, que les compagnies pétrolières étaient en train de ruiner l'environnement américain. Alors, il s'est dit, le gouvernement doit réagir. Alors, écoutez, il va faire ceci. Alors, amant de la nature, Roosevelt adopte des mesures novatrices pour préserver les grands espaces. Il fait passer une centaine de millions d'hectares des terres de l'Ouest dans le domaine public. Il crée 5 parcs nationaux et déclare 51 zones de vie sauvage, refuge national où la chasse est interdite. C'est Roosevelt. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un amant de la nature. Et ces mesures-là sont vraiment, vraiment, c'est la réprobation du Congrès, des pouvoirs d'argent, mais pour lui, c'est l'avenir du peuple américain. Pour lui, on doit laisser en héritage à nos enfants, à nos petits-enfants, puis aux générations futures, justement, cette nature sauvage. Ouais. Parce qu'il dit également que Si les Américains veulent garder leur caractère dynamique, veulent garder leur virilité, ils ont besoin de se mesurer à la nature. Ils ont besoin des grands espaces. Parce que pour lui, évidemment, la misère qui règne dans les villes, dans les quartiers ouvriers qui sont insalubres, pour revigorer ces ouvriers qui vivent dans ces conditions-là, il n'y a rien comme les grands espaces. Et c'est absolument nécessaire qu'ils puissent avoir accès à ces parcs nationaux. Puisqu'on est dans ces grands espaces et dans ces parcs nationaux, on ne peut pas faire une émission sur Theodore Roosevelt, André Champagne, sans parler de ce fameux teddy bear. Oui, et ça, c'est une de ses contradictions. C'est un amant de la nature, mais c'est un grand chasseur. Et c'est un homme qui pouvait facilement tuer des animaux. Lors d'une partie de chasse avec ses amis, où encore une fois, il était accompagné par des journalistes, ils arrivent dans une clairière et là, il y a un ourson visiblement abandonné. Sa mère est probablement morte. Alors, ses compagnons de chasse lui disent « On te le laisse à toi, Teddy ». Et là, Teddy dit « Non, je peux pas abattre un ourson. On va le prendre puis on va le donner à un zoo ». Alors, évidemment, c'est la première page des journaux dans les jours qui suivent. Et là, il y a un fabricant de jouets, vraiment. Il y a un Américain et un Allemand. Parce qu'il y a deux fabricants de jouets qui vont sauter sur l'occasion et qui vont se dire pourquoi ne pas faire un ours en peluche et pourquoi ne pas l'appeler le teddy bear. Et c'est comme ça que le teddy bear est apparu et est devenu un des jouets préférés des enfants du monde entier. Donc, on doit le teddy bear à Teddy Roosevelt. There is no danger of a revolution in this country. Il n'y a pas de menace révolutionnaire dans ce pays, mais il y a beaucoup de mécontentement et de colère. Et c'est en puisant dans la sagesse, l'honnêteté et l'humanité dont nous disposons que nous pourrons vaincre ce sentiment. Mes amis, nous devons, au nom du peuple américain, nous battre pour plus de justice sociale. C'est notre seul objectif. Et pour y arriver, nous avons besoin de leaders inspirés et idéalistes qui se battront pour réaliser leurs rêves. Theodore Roosevelt, au moment de la campagne présidentielle de 1912, Roosevelt, en 1912, André Champagne, essaie de regagner la présidence. Ça ne marchera pas. On l'entend, c'est le même discours, c'est le même homme, mais ça ne marchera pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il a fait une erreur lors de sa victoire en 1904. Il s'est dit, je ne briguerai pas un mandat supplémentaire. Donc, il devait se retirer après 1908. Et là, c'est son successeur, Howard Taft, qu'il avait choisi lui-même, qui a été élu à la président sur la bannière républicaine. Sauf que Taft l'a déçu. Il considérait que Taft n'était pas suffisamment progressiste. Alors, il a décidé de participer aux primaires de 1912 pour le Parti républicain. Il n'a pas emporté l'investiture. Alors, qu'à cela ne tienne, il a décidé de se présenter sous la bannière progressiste. Ouais. Le problème, c'est que le vote était divisé. Alors, vous aviez le candidat démocrate Woodrow Wilson, vous aviez le président sortant Howard Taft et vous aviez Roosevelt. Et malheureusement, Roosevelt, même s'il a eu plus de votes que Howard Taft, en a quand même eu moins que le candidat démocrate Woodrow Wilson qui a été élu et est entré à la Maison-Blanche début 1913. Mais Roosevelt a voulu faire un retour à la politique. Soit dit en passant, il va briguer, encore une fois, l'investiture du Parti républicain en 1916 et ça ne marchera pas. Merci beaucoup, André Champagne. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.